C'est pour rap de chez nous, Groover, à Castle Too. Pierrot à la pro, on n'est pas vieux, on est le futur du rap, on reprend la tirade. Hisser les tentes à la plume, la mort d'un pirate. Obsédé par la pyramide, son ascension, ce qui dérape. J'ai pas les idées larges, encore moins le goût pour les lâches. Ça toise pour une terrasse, regarde la vie par un trou de boulet. J'vois rien d'autre que des coups de bélier s'acharner dans des portes ouvertes. On touche nos têtes, toujours à l'abri de la famille. Mais on se met de la merde dans le sang pour paniquer les vacances de la famille. Dans le game, j'ai pas d'amis. J'ai juste 50 secondes pour dire tout ce qui va pas dans ma vie. Ok, ça éreinte, la vie un labyrinthe. On cherche les raccourcis pour grimper sans galérer, comme Richard Virenc. J'ai pas la vie de rêve, pas la vie d'un moins que rien. Je me lève, migraine, pitrelle, pupille dilatée comme un lémurien. Sans mon 5, je suis comme orphelin. Mais s'il me faut un passe pour un godet, j'irai me faire mettre, ce sera le mot de la fin.